l'idée. On est même pas resté une minute, ils ont été super violents avec nous. Ils ont, je sais pas, ils ont été vraiment, c'était des gamins, je crois, les flics, tous, c'était des jeunes, débutants. Et donc ils se poussaient entre eux, nanana, il y en a un qui est tombé, ils ont dit que c'était nous qui avons cassé sa jambe. Ensuite, ils nous ont amenés ici. Et je sais pas quelle heure il est. C'est qui, chez un, c'était 22h. Non, mais apparemment, non, ils nous ont fait croire ça, mais il a juste un. Il est 11h15. Il est 11h15 ouais. Ah, on est quand même resté 4h. Mais c'est vraiment sympa d'être là parce que je sais pas si nous on vous entendait pas, mais peut-être que eux en tout cas ils vous entendent. Et vous êtes séparés? Vous êtes séparés? Oui, ou quoi? On a une info complémentaire. Par 6 par quoi? Ah, donc je viens d'avoir un message. Je me suis dit, chaque. Il y en a qui vont être relâchés. Donc il y en a 15 qui sont relâchés maintenant. Il y en a 6 qui restent en administration judiciaire, donc ils seront déférés au parquet demain matin. Donc à ce moment-là, ça sort de la juridiction de la ville de Bruxelles. Et on ne sait pas. Parce que 15 plus 6, ça fait 21, mais ils étaient 22. Non, on a entendu 7 au palais de justice. C'est que c'est 7. Écoute, moi j'ai eu 6, mais. Non, il y a une personne qui s'est pas fondée. On sait qui? C'est qui? Il y aura Yuri. Yuri va s'arrêter. Yuri, c'est quasiment sûr. Oh, je